Bonjour, vous êtes sur KFAI. 90.3 FM. 106.7. 90.3 FM et 106.7 FM à Saint-Paul. Radio sans frontières. Wouhou! Et vous êtes à l'écoute de le programme s'appelle... Nous sommes... Bonjour, Minnesota. Et bonsoir, Dana. Bonsoir, Fred. Bonsoir, Karel. Bonsoir, Dana. You're listening to Fresh Air Community Radio, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. And the program we present is Bonjour, Minnesota. Et nous y sommes au studio. On a bravé le froid. Et le, qu'est-ce qu'il fait froid? Comment on dit gelé noir, le black la ice? Glace. Tu avais des problèmes, moi, non? We don't have black ice. That word doesn't exist in no, French. Doesn't exist. Le not even the concept. Non. C'est-à-dire de la glace qu'on ne voit pas. Je vais chercher un peu. Oui, du verglas, quelque soit. Du verglas. Oui. Tu en as trouvé? Oh oui. Oh, non, c'était clair. Ah bon. Surtout les autoroutes. Oh, très bien clair. Non, moi, j'ai conduit un peu sur Snelling et en fait, les deux voies, ça allait, mais les voies du milieu, que les gens utilisent pour tourner, elles étaient bien verglacées. Verglacées. Mais je n'avais pas à tourner, donc ça allait. Il fallait que j'aille tout droit. Nous voulons souhaiter bonne année aux auditeurs. À tous nos auditeurs. Mm-hmm. Bonne année, tout le monde. Oui. Et comment vous avez passé le Saint-Sylvestre, vous deux? Oh. Rien de tout. Alors? Ah bon? Non. Rien. J'ai trop fêté pour Noël, alors. Ah. Overdose de cadeaux. Ah bon? Et toi, Frédéric? Je suis allé chez Faces on Mears Park. Uh-huh. Chez David. David Fima. David Fima. Et c'était très, très bien. Et tu as mangé une formule, un menu préfixe? Oui, c'était préfixe pour la dernière. En fait, c'était la dernière soirée. Uh-huh. Et comme c'était pour le réveillon, il avait un préfixe pour 3 plats, 4 plats ou 5 plats. Donc, on a pris 3 plats, mais c'était fantastique. Chacun des plats, il y avait au moins 3 options. Uh-huh. Donc, c'était superbe. Le dessert était formidable. Et qu'est-ce que tu as choisi comme... J'ai pris de la viande en entrée. Quelle viande? Ah, je ne me rappelle plus. C'était de l'épaule. C'était de l'épaule et un peu... Bœuf ou non, porc? L'agneau, non. Peut-être. Non, je pense que... Peut-être du porc. Mouton? Il faudra que je regarde. Je vais t'aider à trouver. Merci, merci. Une fois que tu auras fait toute la basse-cour avec tous les animaux, on va peut-être c'est trouver... C'est la grande bouffe. Ouais. Non, ce n'était pas du cheval. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as mangé en entrée? C'était l'entrée en fait. C'était l'entrée. Parce que j'ai mangé, ouais, c'était avec un peu de viande et. Plat principal, c'était quoi? C'était aussi de la viande, mais c'était du filet. D'accord. Donc ça, on sait ce que c'est. Et le dessert? T'as dit que c'était formidable. C'était formidable. C'était. Il y avait du mocha, des fruits de la passion. C'était un peu de la mousseline. Donc non, c'était fantastique. Très bien. Très, très bien. Donc, c'était leur dernier soir, parce que le restaurant va va rouvrir au printemps avec un autre nom, d'autres formules. Et j'espère qu'on pourra en discuter avec David à l'émission, un de ces jours. Oui, ça sera génial de l'avoir ici pour parler de ses menus. Il est partant. Très bien. Bon, on va passer de la musique. Oui, bien sûr. On va commencer avec Arthur H. Arthur H. emploie seulement l'initial parce que son père est Jacques Higelin. Et Arthur H. ne voulait pas employer le nom familial parce qu'il voulait être... Il voulait gagner la réputation sur lui-même. Comme M. Oui, un peu. Mm-hmm. Et il va vous chanter Quai numéro 3. Et ça va être suivi par Brigitte Fontaine, Dévaste-moi. Et une troisième? Pourquoi pas? Bon, Serge Gainsbourg, le claqueur des deux doigts. Comme ma meuf depuis 6 mois, à chaque escale je pense à toi. À Barcelone et à Casablanca, je t'ai envoyé quelques lettres déjà. J'ai rencontré plusieurs femmes de choix et j'ai souvent refusé leurs caresses, car je n'ai cessé de penser à toi et à certaines promesses. Alors sache que si je ne te vois pas le mardi 23 au quai numéro 3, je ne descendrai plus du bateau et on se reverra pas de sitôt. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Le mardi 23 au quai numéro 3, le mardi 23, tu n'as pas le choix. Tu ne m'as pas répondu une seule fois, alors j'ai douté de toi. Je ne suis qu'un pauvre soldat, mais sous le feu je ne lâche pas. Quand je suis seul dans ma grande chambre noire, j'ai des visions et des cauchemars, car je te sais parfois cruel, aussi cruel que tu es belle. Alors sache que si je ne te vois pas le mardi 23 au quai numéro 3, je ne descendrai plus du bateau et on se reverra pas si tôt. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Le mardi 23 au quai numéro 3, le mardi 23, tu n'as pas le choix. Prépare ton mouchoir, ton grand mouchoir blanc. Agite-le bien, que je les vois de loin. J'en ai rien à foutre, celle de Marseille encore moins. Ce à quoi vraiment je tiens, c'est le grain de ta peau contre le mien. Le mardi 23, quai numéro 3, le mardi 23, tu n'as pas le choix. Le mardi 23, quai numéro 3, le mardi 23, tu n'as pas le choix. Le mardi 23, quai numéro 3, le mardi 23, tu n'as pas le choix. Le mardi 23, quel numéro 3. Le mardi 23, tu n'as pas le choix. Thank you. dévaste-moi, essouffle-moi, envahis-moi, pille-moi, dépense-moi, gaspille-moi. Saccage-moi, dilapide-moi, lapide-moi, érape-moi, liquide-moi, émiette-moi. Ravage-moi, et presse-moi, et puis broie-moi, et puis noie-moi, et puis bois-moi, et caille-moi. Colonise-moi, piétine-moi, déglutis-moi, extermine-moi, ravage-moi, délabre-moi. Ratisse-moi, corrode-moi, démantèle-moi, désintègre-moi, massacre-moi, écrabouille-moi. Mais c'est qu'il le ferait, la brute! Jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant le jukebox, jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant le jukebox. Quand il ne se balade pas sur toi, je ne sais que faire de mes 10 doigts. Je ne sais que faire de mes 10 doigts. Alors je les claque, claque, claque, claque devant les jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox, box, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. J'ai encore pour la machine de la mitraille dans mes blue jeans, la mitraille dans mes blue jeans. Faut que je la claque, claque, claque, claque dedans le jukebox, jukebox. J'suis claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. J'suis claqueur de doigts devant les jukebox. Des doigts devant le jukebox, jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant le jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant le jukebox. Oh Sylvie, regarde-moi. Qui est ce type qui te fait du plat? Qui est ce type qui te fait du plat? J'en ai ma claque, claque, claque, claque de ce gars, jukebox, jukebox. Si jamais il s'approche du jukebox, jukebox, jukebox, je lui claquerai la gueule devant le jukebox. All right, we just heard Arthur H. Arthur H., who is the son of Jacques Higelin, with the song, what was that? K numero trois. Mm-hmm. Line number three, or K number three. Yeah. And he is such a great musician. He played 700 concerts in 7 years. He really has a talent for jazz. After that, we had Brigitte Fontaine, and Frédéric said, this is Serge Gainsbourg coming. But no, it sounded like it, but it was not. And she definitely has a jazz sound. She's from Algeria. And wow, this album, Sorti en 1958, this came out. So it's totally back in the day. And I actually, like, the album is called Chanson Décadente and Serge Gainsbourg. So I think it was a good inspiration there. For sure. Then we had Serge Gainsbourg with snapping fingers at the jukebox. And this is from his jazz beginnings. Yep. In 1959, he put out this album, Le Claqueur de Doigts. And what did they were saying? They wish that all commercial songs sounded like this. Yes. It was so catchy a tune. It is catchy. I can see this in, like, I can see somebody sashaying down the supermarket aisles and taking the stuff out of the freezer. Yeah. and then showing everybody that they made this fantastic French meal, but actually it's surgelé, like in Parisian. Frozen meal. Yes, I could hear that. But still, they would pick up things from the shelf with very, like, with graceful gestures. Yeah, graceful, like, left and right, and just tossing it in a cart with nonchalance. And mm-hmm. You can see that commercial. I just made it. We just art directed that. Yes, we did. We just need to sell it to Surgelé. Name yours, any chain of... Well, the only chain I remember is Picard. Oh, Picard. Picard, yeah. Surgelé. Does that have that little fish in the logo? I don't remember. My mom was doing the shopping. Should I not say that? I'm so sorry for you. My face is squinched up and my nose is like, this is what an Angora cat looks like in the corner who doesn't want to talk to you anymore. Degu. Just kidding. Surgelé is fine sometimes. Yeah, it is. Especially Cookie Saint-Jacques. You know? Well, you're listening to Bonjour Minnesota, bringing you music and lots of conversation here in French and English. Un petit détour dans le monde du jazz. Oui. Mm-hmm. What's next? Eh bien, oh, I'm Carol. Mm-hmm. And Dana. And Frédéric. Yeah. Notre Parisien. Oui. Alors, non, c'est Frédéric. C'est lui le français. OK. Vas-y. Donc, on va écouter Anne Ducrot, L'eau à la bouche. Et... ensuite, il y aura Michel Legrand, Brûle pas tes doigts. Et on y va pour trois ou deux ? Pourquoi pas ? Okay. Oh, deux pour maintenant. Deux pour maintenant, ok. Donc Anne Ducrot, L'eau à la bouche, et Michel Legrand, Brûle pas tes doigts. Ma voix, écoute ma prière, écoute ton cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiant, je te sens craintif, je te veux docile et je te sens captif. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant porter au lit du torrent et dans le mien si tu veux bien. Quittons la rive, partons à la dérive. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Je serai calme et je saurai t'attendre. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Parena la va vovea era re samba te da te au a senle. Are dove la vuoi si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre, je serai calme, je saurai t'attendre. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'orage. Brûle pas tes doigts, brûle pas tes doigts, ne touche pas cette fille-là, et écoute-moi, elle n'est pas faite pour toi. Brûle pas tes doigts, t'en emballe pas, oublie-la, ou tu l'as, si tu n'as pas le choix. Brûle pas tes doigts, ou bien crois-moi, fais ta prière avant l'enfer et la galère. Brûle pas tes doigts, brûle pas tes doigts, ni tes yeux, ni ton cœur, ni ta vie, ni tes nuits à ce jeu-là. Brûle pas tes doigts pour cette fille qui, cette fille quoi, cette fille que tu ne connais pas. Écoute-moi, elle m'a aimé, m'a oublié et m'a brûlé bien avant toi. Brûle pas tes doigts. Brûle pas tes doigts, brûle pas tes doigts, ne touche pas cette fille-là, et écoute-moi, elle n'est pas faite pour toi. Brûle pas tes doigts, t'en ravales pas, oublie-la, où tu l'as, si tu n'as pas le choix. Écoute-moi, brûle pas tes doigts, brûle pas tes doigts, brûle pas tes doigts, brûle pas tes doigts, brûle pas tes doigts, brûle pas tes doigts, brûle pas tes doigts. All right. That was Michel Legrand with Don't Burn Your Fingers. Right, and it's about a woman. She's not for you. Not for him. Not or his for him, friend. He says. Yeah, she's not for, she's going to hurt, she hurt me. Yeah, yeah, you're going to burn your fingers. Like, stay away from it. Uh-huh. And then before that was Anne Ducrot with Water at the Mouth. Mouth watering? Oh, is, was that what it is? Mouth yeah. watering? Okay. Well, they just say it a different way. L'eau à la bouche. L'eau à la bouche. Like being very excited about something that you're drooling. Salivating. But not drooling that much that Do it's gross. You say gross. J'ai l'eau à la bouche? Like, oh, il est beau, j'ai l'eau à la bouche. Is that what you say in French? No, not really. Like, yeah, maybe. Or you just say, je salive. No way. Je bave partout. No, no, no, no. No, we don't drool. We don't. No. Yes, we do. Yeah, we do, kidding. But it's not. We don't express it sorry, that much. I'm sorry. It's good. Not on Bonjour Minnesota. Anyway, sorry, you guys. I fell out of the box again. Oh, I wanted to say something about Michel Legrand. Okay. He was at the Dakota last, I think it was last fall. And what a talented musician. He had a career here in the United States. He wrote film music, and he did play at the Dakota here. I didn't get to hear him, unfortunately. I just love that. And I just posted that song to our Facebook page. Oh, good. Awesome. And Frederic has been doing some fantastic work. How many followers do we have now? I think we have 328 followers. We had more likes, but I don't know. It comes and goes. But feel free to like our Facebook page. I mean, we typically post about local events that mm-hmm. are French related, whether it's movie or events from the Alliance or musicians. And sometimes political stuff going on around the world about French related matters. Yeah. French speaking. Yeah. So, all right, we have an announcement. We'll be right back to the music. KFAI is supported in part by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated in South Minneapolis, Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the South Side and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods. Information is available at southsidepride.com. Sure. Quelles sont les prochaines chansons? Alors, la prochaine chanson sera de Paris Combo avec Terrien d'eau douce, Terrien comme les habitants de la terre. Après ça, il y aura Chet ou Chez, pas sûr. Ainsi soit-elle, c'est le nom de la chanson. Et ensuite, il y aura Émilie Loiseau, à l'autre bout du monde. J'aime l'empreinte du vent laissée dans mes cheveux. J'aime quand le soleil vient à forcer mes yeux à détourner le regard et réchauffer une bonne part. Et quand l'air de rien, l'air est du matin, pour un pas de trop, on a les pieds dans l'eau. Et c'est là qu'on voudrait bien devenir un beau marin pour oublier qu'on n'est pas des ducs à chalot. Non, c'est pas mon sable, la mer est dans mon dos et que d'une vague elle me sale aussitôt en me cuisant l'épiderme. Elle me rappelle à la terre ferme sur laquelle mes chevilles ont plié sous le poids de la nécessité. Et c'est là qu'on voudrait bien avoir un pied marin pour oublier qu'on n'est pas des ducs à chalot. Bon, c'est pas mon là qu'on se sent bien, on se sent bien, un peu terrien sans oublier qu'on n'est pas des dérougés barbés à la crier. Oh, la crier c'est pas ma tasse de thé. Oh non, la crier c'est pas ma tasse de thé. Oh, la crier c'est pas ma tasse, c'est pas ma tasse, c'est pas ma tasse. Ces jeux, ces thèmes se font toujours sans un je t'aime. Pas de sentiments, mais beaucoup de centimes. Elle ment, même dans les moments les plus intimes. Elle n'embrasse pas, ne s'embrasse pas. ne s'embarrasse pas. Elle brasse des liasses, mais elle ne trouve pas que sa vie est belle. Elle ne l'aime pas, mais ainsi soit-elle. Elle terrorise ceux qui attisent la gourmandise. Des mecs, des macs, des têtes à claques qui claquent leur fric. Pour remplir son sac, ils sont mis à sec, nettoyage à sec. Ils aiment le bruit que fait son tiroir sexe. Mais elle ne trouve pas que sa vie est belle. Elle ne l'aime pas, mais ainsi soit-elle. Elle manie, malaxe, relaxe, sans perdre son axe. Technique nouvelle.com, son site et son fax. Ses collants dîmes se touchent après une taxe. Paye la dîme, c'est pas du Michelin Dax. Il faut carner, c'est son karma. Le cash est son cachet, elle est prête à carnamer. Elle ne trouve pas que sa vie est belle. Elle ne l'aime pas, mais ainsi soit-elle. Professionnelle, elle n'a pas son pareil. Plus d'oseille donne droit aux appareils. PDG, médecin, vicomte ou chèque. Dans le creux de ses seins sont débités les chèques. Sa devise s'enrichir, même si c'est hard. Elle accepte les devises et les Mastercard. Mais elle ne trouve pas que sa vie est belle. Elle ne l'aime pas, mais ainsi soit-elle. Elle ne trouve pas que sa vie est belle. Elle ne l'aime pas, mais soit-elle, ainsi soit-elle, ainsi soit-elle, ainsi soit-elle. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on ferait sans les réseaux sociaux? On serait un peu perdu comme des oiseaux sans nid. Y a rien de plus beau que l'amitié sur les réseaux sociaux, avec jamais on s'ennuie. Moi dès le matin je me connecte. Je vois défiler plein de vie. Je fais le tour de toute la planète, alors que je suis pas sorti du lit. Je ne suis pas sorti du lit. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on ferait sans les réseaux sociaux? On serait plus petit, on serait moins beau. Ça, on sait tout ce qui se dit. Il y en a qui se traînent la tête pour se déplacer chez leurs amis, alors qu'il suffit pour faire la fête d'appuyer sur le bouton de la souris. Sur le bouton de la souris. We'll be right back. parle pas. Si on veut encore communiquer, on aura besoin d'une paire de cannes afin de réapprendre à marcher. Pour nous réapprendre à marcher. IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. Il était un homme libre qui disait de tenir debout. Dans le vent, comme elle est belle la lune quand elle s'élève, rejoindre la rumeur du printemps. Mon poème n'a pas de mots, il va au rythme du flot, du sang qui coule sous ta peau. Je prendrai deux bouts de bois entre mes doigts. Je les porterai en flambeau. Je réchaufferai la terre et cueillerai les chagrins d'hiver des oiseaux. Mon poème n'a pas de mots, il va au rythme du flot, du sang qui coule sous ta peau. Vole le chagrin des vers la ville de Hams et ses lambeaux. Vole le chagrin des oiseaux quand l'hiver enneige nos plateaux. Comme elle est raide la côte, comme elle est haute la cime de l'arbre dans le ciel blanc. La douleur est profonde quand la nuit tombe. Moi je m'allongerai dedans. Je coucherai sous la terre, à l'abri de la lumière, des larmes qui rejoindront la mer. Il était un homme libre qui disait de tenir debout dans le sang. Attraper la foi sauvage des sorciers, la rage pour tenir longtemps. Mon poème n'a pas de mots, il a le son du tonnerre et de son éclat sur la pierre. Vole le chagrin des oiseaux vers la ville de Ham. C'est ce lambeau. Vole le chagrin des oiseaux quand l'hiver enneige nos plateaux. Quand l'hiver enneige nos plateaux. Quand l'hiver enneige nos plateaux. This will be, that was Emily Loiseau, and what was the title of that song? L'autre bout du monde, from the other side of the world. The world, Earth, planet. Oh, and we threw in a rather strange song. Oh, yeah, and that, it was the other side of the world because it sounded like Indonesian gamelan music. Yeah, yeah, it was very exotic. Yeah, that cowbell music thing. It felt a bit warm for a minute. Really? Just it was very psychological. Cool. No, warm. Well, tell us about the artist. You know him, didn't you? Oh, the song before that. Oh, okay. Les réseaux sociaux, the social networks. So that story is that I have this friend who's a great musician who composes experimental. I think I talked about him before, Kasper Toplitz. He does like very experimental sound, but then he also plays cello and he wins lots of awards. But he also plays in a rock band. He was on a compilation CD with this weird song from Leftup and Leftup, and they were in the Bastille neighborhood, and it was two brothers who transposed the war in Bosnia over some really cool techno. So I've been always wondering, like, so what are they up to now? Like, I've been like cyber stalking them for years. It's so called like, on YouTube it's called subscribe. Oh yeah, it's called not stalking. That sounds better. It's calling subscribing and liking. Oh yeah, I guess I call yeah. it. Well, my friend Casper, so that other composer on that album. So yeah, I just stalk their music. Yeah, I subscribe to their music, and that song is by one of the brothers, Dennis Luftup, from the album The L'Ascenseur est en panne, The Elevator's Broken. And just talked about how our lives, what would we do without social networks now? Pretty much. It's really become all-encompassing. Like, I think the hard part is with that is we know tout ce qui se passe autour du monde avec nos amis. Mm-hmm. Et quand on se voit en face de l'un et l'autre, on en parle, on va parler de quoi? Parce que j'ai vu que tu as mangé quoi? On n'a plus rien à se dire. On n'a plus rien à se dire, c'est fini. Oh. You already know everything about me. Maybe I should post less. Yeah, Facebook. That's what I'm doing. It's like my new thing is to totally ignore the people that I really like. Like I don't even look at their Facebook page. Like try not to look ever. Ever. That way I'm like, oh, what's new with you? It's like, I have no idea what you've been up to because I haven't looked at your social posts. See why. So yeah. So, where do you find the time? That's what I'm saying. Well, it's I'm on, but I never have time to do it. Oh. Yeah, well, you're prioritizing the right things. Mm. What did we have before that? When we had back to we had Chet. Ainsi soit-elle. Ainsi soit-elle. What is the translation of that? That's the way she is? Ainsi soit-il means so be it. So be it. That's or so be her? Sort of. And then so she shall be. Ainsi soit-elle. And then you were talking about the Belle du Barry from Paris Combo before that with Terrien d'eau douce. Oui, on a eu la chance. Karine a dit qu'elle avait vu, elle les avait vus au Cedar. Et moi, je les ai vus il y a un an et demi à The Dakota. Et c'était très, très bien. Such a talented group. And La Belle du Barry does all the songwriting. She sounds just words magnificent. I asked her, she was on the program one time, and I asked her, well, what was her background? Oh, I never went to school for music, she said. So it's just natural talent. It is. That's the best, you know? I think there's it is. No effort. It just flows freely. It's that's like it. A true art. Just it sounds like that. Mais c'est better known in Paris? They've been around for quite a while. I have no idea. I haven't been in Paris forever. Oh. Yeah, we can't ask him about Paris. I've been here for 16 years. Oh. Mm. And my mom doesn't listen to Paris Combo, so... What does she listen to? Nana Mouskouri? Well, a little bit. Céline Dion? A little bit. She likes local people, local music and stuff. Oh. And like singers from the 60s that were very syrupy. Like which ones? I don't know. Claude François and... Mm. Oh, Claude. Some like Richard... Richard Anthony. Oh, oui. Il y en avait d'autres. Richard Anthony, he did lots of Bob Dylan covers. Ah bon? Yeah, I think so. Let's try to find one. Okay. We have... Just a moment, we have an announcement, and then we'll be right back to the music. Support for KFAI comes from The Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin or at efetus.com. Okay. Charlotte Baptiste va vous chanter « C'est cette année ». Ça va être suivi par Stanislas, « Ma solitude ». Alors, j'ai pensé que c'était peut-être... qui c'était le Metek qui a chanté. Oh. Parce qu'il a une chanson qui s'appelle « Ma solitude ». Oui. Moustaki. Moustaki. Moustaki. Mais non, qui... Stanislas, il a sa propre solitude. On y va. Sans passer les lumières qui nous guidaient, peut-être étions-nous trop fiers pour baisser la tête. Le monde a tourné sans nous, sans nous attendre. Les ténèbres sont partout, ouvertes de cendres. Souviens-toi que l'on s'aimait, que l'on s'aimait quand même. Nous étions si jeunes, si fiers. Comment le dire? Nous avons perdu la lumière, l'étoile. Caressez nos paupières. Tout m'est égal. Quand même, on se rappelle de quelque chose qu'on pose. C'est cette année que pour moi tout va décoller. Je l'ai déjà dit l'an dernier, mais je m'étais trompé. C'est cette année que les gars on va rigoler. Arrêtez de vous bidonner, y en a qui vont ramper. Oh ma chérie, peux-tu encore un peu patienter? Promis, bientôt je t'offrirai des vacances en Italie. Oh mon amour, si déjà maintenant tu t'en vas, dans un an tu t'en mordras les doigts, dans un an et pour toujours. C'est cette année que tous les banquiers se réjouissent, qui attendent que je m'enrichisse pour de nouveau m'aider. C'est cette année qu'on demande ce que je deviens et que du coup je réponds rien, ce qui ne fait qu'intriguer. Oh ma chérie, faudra que tu surveilles tes copines qui verraient en moi un bon parti, et surtout les plus coquines. Oh mon amour, nous allons gagner beaucoup d'amis, nous allons beaucoup en perdre aussi, mais c'est ainsi qu'est la vie. Ces petites difficultés ne sont pas grand chose mises à côté, et bientôt tu en riras. Oh mon amour, si je t'aime c'est aussi pour cela, je voudrais faire ma vie avec toi, dans les hauts comme dans les bas. Je sors avec à mon bras ma solitude. Nous avons, elle et moi, nos habitudes, nos petits chemins favoris. Ici le raccourci par mon sourire. Je l'encourage quand elle fatigue et ça intrigue ma solitude. Je chante ma solitude, joue ma solitude, invente et moi je note tous les mots, les mélodies. C'est elle qui me les souffle, qui me les souffre. Je dors avec dans mes bras ma solitude. Nous avons, elle et moi, nos habitudes, notre côté de couette, notre petit verre d'eau sur la tablette. Il faut bien des règles à ce jeu qui vivre à deux. Ma solitude chante ma solitude, joue ma solitude, invente et moi je note tous les mots, les mélodies. C'est elle qui me les souffle, qui me les souffre. Ma solitude chante ma solitude. Ma solitude chante ma solitude, joue ma solitude, avance et moi je note tout. Souffle, ma What was that? Oh, so we just heard Stanislas, Ma Solitude, or My Solitude. Mm-hmm. Same words. Sounded very lonely. Yeah, solitude is loneliness. Yeah. And before that, we heard Charles Baptiste avec C'est cette année. It's this year. He spent the song explaining that this year is the year he's going to be able to talk about what he's doing and everything's going to happen, things like that. And because last year he thought about it, but that didn't really happen. And before that, we heard Gérard Manset avec Lumière, The Light. It was a great song, but a little bit long, so we just moved on to Charles Baptiste. Mm-hmm. All right. That was sort of a country song. It sounded like... It seems like a song you could listen to for a really long time in a car ride. Like put it on the background and forget right. about it. Driving through Nebraska. Ooh la la. Oh no. Ou le Berry. Ou le Berry. Mm-hmm. Oh. Flat and boring. Is that what it's like there? Le Berry? Mm-hmm. Yeah, it's pretty flat and boring. Hmm. Is it like Nebraska? I don't know. I've never been in Nebraska. Nebraska's flat and boring with corn on the side. Oh, that sounds like Iowa to me. They're sort of the same. They're right next to each other. Oh, okay. All right. We have a couple seconds left, and it will be Never à Minneapolis. Et c'est 3 heures du matin ou 4 heures du matin à Paris? Je crois que c'est 4 heures. 4 heures? Mm-hmm. Oui, ou 21 heures. Non. Faire l'annonce en français? Uh-huh. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota. 106, oh zut, 90.3 à Minneapolis. À Minneapolis et 106.7 à Saint Paul, Radio Sans Frontières. You're listening to KFAI Fresh Air Radio, 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM Saint Paul, Radio Without Boundaries. And the program we present is Bonjour Minnesota, nothing like it on the planet. I assure you. Yes, we're unique. Nowhere in New York City, nowhere in New Orleans, nowhere on the planet, perhaps outside of Paris, or maybe somewhere in Vietnam, perhaps. No. I doubt that there's a dedicated French, 2 hours of French culture. Well, I heard someplace that they play music similar like ours in Canada. Oh, a Canadian radio station. If somebody knows, please call the studio line while the music's playing. 612-341-0980, because we'd love to hear from you. We want to hear all about this other French radio station, because otherwise we think we have a monopoly on it. We do. And if we do not, we need to know about it, because we need to learn from our counterparts what the secret recipe is. I mean, 30 years, we know what the secret recipe is, but there's only room for improvement, right? Exactly. And amélioration, c'est ça? Et collaboration, oui. Collaboration, oui. Amélioration. Oui, on fait un pacte pour réunir et partager les informations. Et puis en plus, les Canadiens, ils sont gentils. C'est vrai. Et les Minnesotans aussi. Aussi. Carol just brought to my attention that our beloved hometown figure skating superstar, Surya Bonaly, was on the newspaper again. So fantastic for all of her ice skating coaching. We're happy to have La Niçoise ici in our town. Very nice person, too. Mm-hmm. Interesting. Great article for her. So bravo. If you're listening to us, Surya, bonjour. Bonne année. Et pour tous nos auditeurs aussi. Bonne santé. Mm-hmm. Et ne glissez pas sur la... Ne tombez pas sur le verglas. Not everybody has ice skates on in this terribleness. What do we have next for music? Would you like to hear some announcements now or later? Oh, why don't we have a song later? Or two? Yeah, what do we have D'accord. next for some music? Bon, alors... La prochaine, c'est Michel Polnareff. C'est Mimi. Oh, Michel Polnareff. Oh, j'adore celle-là. On ira tous au paradis. On ira tous au paradis. Mais moi. Mm. Ok, d'accord. Et suivi par Mokaesh Bezame. Bezame. Ok. Et une troisième? Ouais, pourquoi bon, pas? Bon, ben, pourquoi pas de tout. Hein? D'accord. Louis Chédid, comme un petit coquelicot, et Zaz, sous le ciel de Paris. On y va? Et tous les voleurs, Parce que nos lendemains croisent les doigts, sûrs de rien, que nos vêtements sont des draps de satin. Parce que je fais des bonds, brasse-coups les plongeons dans ton Blue Lagon. Parce que ça s'en va pas, sourire XL et frissons, que ça me rend semi-gazelle, semi-con. Parce que ça fait bizarre d'avancer le rencard du prochain regard. Oh oh oh, Bessamé. J'ai un peu froid sans ton minois dans le salon. Parce que ça sert à quoi la prison, les dangereux dimanches où le brouillard se déclenche. Oh, Drucker s'épanche. Parce que je suis mort deux fois que j'eus la lâche de raison. Non pas que si tu pars là, mon compte est bon. Mais soignons le chemin, la lumière boisée, carmin. S'en va, s'en vient. Oh oh oh, Bessamé. La ville est belle, je l'aperçois sous ton aile. Et mon Dieu, que c'est toi l'essentiel. Je l'attendais tandem, tu sais quoi, je pleure quand même. Mais là, je t'aime. Je t'aime. Et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots, mais n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, seulement voilà. Quand je t'aurai dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue. Dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot mon âme, comme un petit coquelicot, comme un petit coquelicot mon âme, comme un petit coquelicot.

sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, il y avait trois gouttes de sang qui faisaient comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot. All right, Carol. Well, we heard there, first of all, Louis Chédid in an homage for a song called Like a Little Poppy, comme un petit coquelicot. And this was for in memory of Mouloudji, who was the original singer, and which Dana brought up right away there. And that was the original song. And it told you about a girl, it must have been his lover, that he saw her first time, and there was something red. She was in a field of poppies. But then it went on to say she was, the next day that he saw her, she was in a field of wheat. And instead of being a flower, it was a droplet of blood. So there was a murder taking like place. Like a stab there. Wound or something. Yes. Oh. That is sad. Well, what do we... That was wonderful. What do we have going on in the Twin Cities as far as events? Well, there's the Liberty Falls, 54321, returns January 5th through February 5th of this year. It's an operatic comedy put on by this troupe composed of Dominique Serrant. There's also Stephen Epp, former people that were in the Jeune Lune. And I'm sure some of them else, too. Performances will take place Thursday through Sunday at 7:30. Opening night party, Saturday, June 7th at 7:30. Come for the show. Stay for the party. Meet the artists. A perfect place to polka. Wow. Too dang much fun to miss. It's supposed to be, I haven't seen this. This sounds great, though. Loaded with lots of laughs. Lots of singing and a little dancing. That sounds good. Doesn't that sound good? And they're going to have, during the run of Liberty Falls, enjoy a special exhibit of artist Jerry von Amerongen. He's a cartoonist. This will take place, and he will be there on opening night. Let's see, that is... Now they gave me the address here. 700 North 1st Street in Minneapolis. So put that on your calendar. January 7th, opening night. All also, right. That should be a lot of fun, too, because they did hilarious things, I know, always. Francine Walsh and Mark Stillman are going to be playing at the International Cabaret Night at Honey. Mm-hmm. And that is the underneath the Old Times restaurant, now called, Honey, I guess, yes. There's a slight charge, but it's well worth it because they play all kinds of music, European dance music, Latin swing, and music from around the world. That's Thursday, January 5th of this year. Coming up. Thursday, February 2nd at Honey. All right. And from the Alliance, well, let's see, you all know where that place is, Honey? The Honey Lounge? It's under the Ginger Hop restaurant on Hennepin and... It's close by Surdix. Yeah, close to Surdix. Mm-hmm. And Pizza Punch Pizza. Across the street from where Nye's used to be? I don't know. Mm. Well, near Kramarczyk's. Yeah, it's kind of kitty corner. Mm-hmm. Mm-hmm. The Les Jeunes are having a soirée raclette et pile moche. Wear your ugly sweater, your best ugly sweater, and come to eat raclette cheese. How wonderful. They had to change the date because of the bad weather we had. It is now Saturday, January 7th, from 6 to 8 p.m. What bad weather? There's no bad weather in Minnesota. Mm-hmm. There's just weather. Yeah. Big weather and small weather, not bad weather. Well, the raclette is a Swiss dish, a cheese-based dish with potatoes and charcuterie, going to keep you warm. Now, the group Les Jeunes, spelled D-J-E-U-N-E-S, is for high school-age students. So, it's not for everybody. C'est pas les jeunes cadres dynamiques. Ah, non, c'est les jeunes qui sont en high school. Mm-hmm. High school students. Mm-hmm. Lycée. Je crois que je peux encore passer pour les jeunes cadres dynamiques, mais pas les jeunes de high school. Don't worry about bringing money. Like any jeune event, it is free. Yay! Quelle chance. You need to RSVP before... Oh, well, I don't know. It says here December 14th, but I bet they might let you in anyway. The right. Alliance Française is always flexible. They're flexible, of course. Just show up. And all kinds of things to get away with this cold weather. Bonne année for 2017. And there's going to be La Fête des Rois. Friday, January 6th, from 6 to 7. Well, maybe we should talk about that. Why not? A galette. Tell us what the galette. Did you remember eating galette as a child? I mean, we had that each year, so it's like typically a week after Christmas, and it's to celebrate the kings, you know, who came to see Jesus. Mm-hmm. And the galette is very, very good, and typically there's always a fève inside that's hidden. Lima bean. Mm-hmm. Well, yes, originally it was a kind of a bean. Sometimes it's a little statuette of ceramic. Well, there's two, right? There's the fève, and then there's the ceramic part. You're unlucky if you get the fève, right? We always had only one. Oh. I thought there was only one. Yeah. We always had only one, and it was typically porcelain, and it was like a little Jesus or something like that. And the goal was to not break your tooth, but to find it. So typically the youngest kid was going under the table and whomever was serving the galette was saying, so who's the next for? And the kid was saying, okay, it's for so-and-so. And so this way there was no cheating about who was going to be the king or the queen. And once you are the king or the queen, you could choose your king or queen. So that's okay. I mean, you know, I had a brother and a dad, so my mom was always the queen anyways. Well, this will be at the Alliance Française on Friday. Good time. January 6th. I bet it'll be good, too. And they'll be serving cider, cidre. Cidre de vis. And their cider's a bit different. This will be non-alcoholic, I'm sure. Oh. But in France, I loved cider. Mm-hmm. Me too. Mm-hmm. There is a charge. You want to reserve a ticket? Call the office at 612-332-0436. Petit Dej Breakfast Groups. Conversation group meets Saturday morning from 9:30 to 11:30. That is at the Alliance again. That's this coming Saturday. And that will be 9:30 to 11:30. So lots of fun. Food supplied by Breadsmith, and you get to meet all kinds of interesting people. Yep. Mm-hmm. A lot of French speakers. It is. All levels. Yes. Very nice. Also, a trip is being planned to Bordeaux and Tours for May of this 2017. And Lonely Planet guides have named Bordeaux the number one city to travel to in 2017. And your guides will be, our president, Christina Buzuina, and someone else, Sarah, somebody. So Christina is very, very well versed in all this. Many classes starting. I advise that you check that out online. Winter classes are from January 9th through March 19th. All kinds of things. There's grammar classes. And there are classes that are being offered at St. Paul, at the Historic University Club, and in Edina, where you sign up with the community ed group. Oh, that'd be very nice that they're doing outreach like that. For people sure. Yeah. Don't have to drive so far. Then there will be topics classes, à la recherche de Proust. You read about Marcel Proust. And listening and speaking skills. And they're going to be meeting and read Le Petit Prince, a great story by Saint-Exupéry. A group is coming here called the CCN Ballet de Lorraine. If you are a member of the Alliance Française, you get a 15% discount. They will be appearing Thursday, February 16th at 8:30 p.m. And they will be giving a tribute to American choreographer Merce Cunningham. This, let's see, that's Thursday, February 16th at 8:30. Hang on one second. I have just a couple of announcements. Okay, go right ahead. We'll I think that's about it. KFAI is supported in part by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated in South Minneapolis, Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods. Information is available at southsidepride.com. Are you changing how you get around? KFAI would love to turn your vehicle into great community radio programming. You can donate your car, truck, van, RV, boat, or motorcycle. After a few minutes of paperwork you'll fill out online, we'll get a tow truck headed your way. Find out more about donating your vehicle at kfai.org. Do some more announcements? Just one. Another film by Jean Renoir. This must be the last weekend of the series of films at the Trilon Micro Cinema. This one is called Des Jeux, Illusions et Bêtes. 1930s Jean Renoir. Huh. And how would you get over to that Trilon Micro Cinema? It's on Minnehaha, isn't it? Right. So just off of Hiawatha and Lake Street. Okay. If you go down Lake Street and turn right heading south Don Minnehaha, it's about three blocks down on the right-hand side. It looks like a very small building that's it's all black. Unpretentious, black. It's by Peace Coffee. Yeah, you can't miss the Peace Coffee because it's the building is big. I mean, it's red and it says Peace Coffee in really big letters. But what's special about the Trilon is that there's always really cool, strange movies. It feels like Paris, you know? And you'd go to the Cinémathèque in Paris? Oh, toutes les cinémas. Danton. The petit art house cinemas when they'd have those great film festivals like a Jack Nicholson film festival. I'd be like, Jeff Bridges. What? They had a Jeff Bridges film festival. Oh, really? He does nothing for me. Well, I'm like, who? I'm sorry. Sorry. I'm sorry, I didn't like get your Tinder catalog before talking to you. Wait, what has Jeff Bridges? He's played in a lot of things, but is he a primary role? Yeah, he has. The whole Jeff family Bridges. Has. Yeah, he's oh, the yeah, dude. The Bridges family, right. He's the dude. The Big Lebowski. Oh, right. From the Coen Brothers. Movie. Yeah. Oh. From the Coen Brothers. The Coen Brothers, yes, yeah. That's great. All right. Oh, yeah. I'm being totally pretentious. You are. So you are. Have you ever seen me like this before? No, not really. And just because they are from St. Louis Park or Joni instead special, of Edina. That's okay. Yeah. Trilon Micro Cinema, though. Unpretentious movies. Yeah. It's unpretentious. Have you been... Did we go to something together once? No. No, no, never. No. No. I usually go alone. Okay, well, one more weekend. And Pierrot Le Feu, do you know that one? Le Feu is playing... Oh, I've seen it recently. Up. Yeah, you did? Is it? Oh, well, recently, okay, maybe not that much. But at the Alliance, it was part of one of the cine clubs a little bit ago, like maybe a year or two. Oh, okay. Mm. With Jean-Paul Belmondo. Uh-huh. It's a great movie. Well, at least that's coming too. So they. Yeah, is it? Definitely, Trilon coming up, so yeah. Can't check say them enough. Out online. Right. What else do we... And so, everybody, we hope they go to the Alliance for the breakfast on Saturday. And oh, that would be fun. I'll try to be there if I can. And sign get up my for kids. Classes. Mm-hmm. You can sign up there or call. Mm-hmm. All right. Or online. So we do have, I was talking about some songs for the new year, and then all of a sudden we got on some detour. We were going to have some Zazz coming up, but suddenly I remembered last year around this time I played this song. It was on RFI, Ibrahim Malouf with Jamais Quand Il Faut. This is from a production of Alice in Wonderland that was produced in French. Here we go. Elle lui offrir un présent afin que sa douce Alice pense à lui en son absence. Devenue assez grande pour la clé fétiche, forcément la porte est maintenant trop petite. Si de ce qu'on souhaite on n'y croit pas dur, que lorsqu'on veut la pensée n'y est plus. Dans les déceptions de ce qu'on a voulu, les cadeaux se prennent des éclaboussures. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ça n'est jamais quand il faut. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ce n'est jamais quand il faut. Alice, tantôt grande ou tantôt l'inverse, il ne lui a pas suffi d'être à la bonne adresse. Lorsqu'on est prêt la plupart du temps, les axes sont fermés, les portiers charlatans. Être comme il faut dans un sale moment, autant attraper le train galopant. C'est moins difficile d'être triste à plein, une larme dessina ses petites plaintes. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ça n'est jamais quand il faut. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ça n'est jamais comme il faut. Ça sera pire qu'hier, la petite s'est mise à pleurer des rivières dans lesquelles un petit groupe nage. Toute une bande d'animaux bavards et des plumes donc allergiques aux cages passionnées quand débuta le débat sur la plage. On ne parle pas d'omelette à des oiseaux, ni du plat de son chat au souriceau. Suite au discours, le vide se fit aussitôt. On trouve rarement le mot qu'il faut. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ça n'est jamais quand il faut. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ce n'est jamais quand il faut. Are you trying to spread the word about your organization or cause? Check out The Wave Project on KFAI. The Wave Project is a weekly one-hour open access time slot available to any member of the community. It's a perfect opportunity to educate people about your cause. You provide the content, we provide the engineer. Together, we spread the word about your mission. Learn more at kfai.org/waveproject. Having a conversation. Hey, Léa, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Boris Gangstar. Là, ce serait pas cool si on venait à Paris. Ouais. Cool. Ah, ok. On va essayer d'appeler. Hello? Who this? Sola, what up, man? Yeah. Now, I'm coming, man. I know I'm late, man. Yo, hold up for me, all right, baby? I'm coming. I'm on my way now. All right. Peace. Aboutirait au néant, c'est une boule à facettes comme dans les discothèques, ça reflète à la lumière et sans elle, du vent. J'aime les images fortes car je suis comme toi, le poids des mots et le choc des photos. Hey yo, it's time to get up, time to change the world cause I'm fatter. We're gonna expose the wrong that's been going on. There's people dying in the streets still, in every city. Lots of kids, they be ill. I live in Brooklyn, got boys all over. Been around the world and you know that I know the good, the bad, the young, the bad. L'homme qui prend le microphone se nomme Solar, maître de la rime urbaine accompagné de comparses de gangstar. À Paris, en France, comme dans la Rome antique. Imite le maître, mate le mythe quand le Spartacus limite le mec qui millimètre après millimètre jette l'intellect à des kilomètres. It's your town, guru. Crazy madness, it's all I see out my window. It doesn't matter who's the president, yo. I hate to tell you, but slavery is still in effect. Haven't you checked? Us black folks, we ain't free yet. I make a bet, if we don't let the truth out, evil will win without a doubt. And it's the good, the bad, le bien, le mal. The good, the bad, le bien, le mal. C'est le monde des affaires, OPA sur la misère. Le réel menace, tralalala l'air. L'air de rien, je doute de l'existence des dieux, de l'existence du mieux, dans un lieu plus pieux. Alors je prends de l'avance, en prenant du recul. Car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. I come in peace, my suckers always trying to front. So I gotta let them know, gotta let them know. This ain't no game punk, cause you could wind up dead. With bullets to the head from the posse's leg. I'm like your mentor, and this is for your benefit. So kill the noise, cause the rude boys ain't having it. It's the good, what I le bien, le mal. En prophète de la fête, je suis contre ceux qui fêtent la défaite de la fête. Alors faites attention, cette recette intercepte la guêpe, trouble fête et le son domine la situation. Le bien et le mal, situation critique. Oh, wow. I'm sorry if you were surprised with the French rap, but I had to take a little bit of a detour to 1993 with some Guru and MC Solar for his breakout hip-hop rap song. Yeah. And Frédéric, I was asking him if he remembered the song. Oui, oui, oui, je m'en rappelle. C'était bien, c'était chouette. Malheureusement, j'ai jamais pu aller voir MC Solar en concert à l'époque. J'ai pu aller voir IAM et NTM, mais pas MC Solar. MC Solar à l'époque était un peu plus soft. Il y avait moins de, casse et moins de bandes à ses concerts que pour NTM, qui était en banlieue parisienne. Mm. Alors, c'est de la bagarre, tu en as parlé. Oui, je suis allé à un concert à Saint-Denis, la ville de Saint-Denis, dans le 93. Il y avait NTM, et il y avait IAM, et il y avait Boogie Down Production, et il y avait aussi... BDP. Huh. Yeah, KRS-One. Uh-huh. With, there was also like a guy, Shined, the ragamuffin guy. Uh-huh. Et le concert a pas pu se terminer parce que il y avait des bandes qui se tapaient dessus et du coup tout le monde est parti en courant et ils ont annulé le concert. Ah oh, c'est horrible. Oh, il y avait une heure de concert, une heure ou deux. Horrible. On a eu le temps d'en voir un peu quand même. Mm, c'est horrible. It was good. Bon. Et avant ça c'était Ibrahim Malouf avec Oxmo Puccino, c'est Jamais quand il faut, et j'adore la trompette dans cette chanson. C'était vraiment quelque chose que j'aime bien. Avec de bonnes références à Alice, mm. Alice au Pays des Merveilles. We all should read more, yes. Even that's in English. Isn't it an English story? It is. Right. But there are some translations. Mm. That would be interesting to read it translated in French. I'll loan you my book. Okay. Maybe. Finish reading it. I'm not sure. It's one of the first translations. Oh. Mm-hmm. Special gift from friend. Well, I didn't say I would give it to you. I said. You said loan it. Loan it. Je peux te le prêter. Prêter. Il s'appelle Reviens. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme chanson? Écoutez. Prochaine. Ah, que tu veux. Zaz. On va écouter Zaz. Zaz. Oui. Et quelle chanson de Zaz? Sur le ciel, sous le ciel de Paris? Sous le ciel de Paris. Où il n'y a pas de neige et pas de pluie? Des fois. Des fois. On y va. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé de sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un mar. Il est épris d'un tri de Saint-Louis. Ah, ah, ah, ah. Le ciel de Paris lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas, je n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, scène avant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile. Je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait grief. M'en fait grief. Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas, je n'avais aucun complexe. Je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, on me blâme. Je ne suis pas travesti, ça me nuit, ça me nuit. Je ne suis pas masochiste, ça existe, ça existe. Pour réussir mon destin, je vais voir le médecin. Je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas hystérique, ça se complique, ça se complique. Oh, dit le psychanalyste, que c'est triste. Je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers. De goût pervers. Mais si, me dit le docteur, se rhabillant. Après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas, je n'avais aucun complexe. Vous avez une obsession, c'est le sexe. Depuis je suis à la mode, je me rôde dans les lits de Saint-Germain, c'est divin, c'est divin. Je fais partie de l'élite, ça va vite, et je me donne avec joie tout en faisant du yoga. Je vois les films d'épouvante, je m'envente, j'invente. Assez rentré dans la main du voisin, moustache originale. Je cavale, je cavale, j'assume ma libido, je vais draguer en vélo. Maintenant je suis parisienne. De la pollution, je vais tendre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons. Mes moutons, mes moutons, mes moutons. Support for KFAI comes from the Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin, or at efetus.com. All right. What did we just hear? Zaz. On a entendu Zaz, la Parisienne. Mm-hmm. Et avant ça, c'était Zaz avec Sous le ciel de Paris. Under the Parisian sky. Yeah, la Parisienne is the Parisian, and she spent her time saying what she is or what she's not, and if it's good or if it's not. And she was saying that she's not a transvestite and she's not a masochist. Right. But and she's trying to be like healthy and normal and go to yoga and whatever. But there's still something about sex. Yeah, yeah, yeah. It's a lot about it. It's about complex and. We have to do a retraction of our comment about the Trilon Microcinema Renoir series. We want to thank David from the Trilon for calling in, because that series has actually ended, and I had wanted to see it, but I was busy over the weekend. Mm-hmm. Yeah. And so we have to wait until the Godard film will not be playing until the first weekend of February on the 3rd, 4th, and 5th. Godard, which one? Pierrot Le Fou. Huh? That one is okay. Not. For a while. So, in the meantime, L'Alliance Française has lots of DVDs. Oh, yeah. The Mediathèque, if you're a member, you mm-hmm. can have any movie you want. Yeah. Pretty much there's a lot. And a lot of books in the library. Yeah. Cinémathèque. Yeah. Which is, but your local library have quite a few of them, too. That's true. Very good. I wouldn't have thought of looking for French films in the local library. You can. Oh, yeah, mm-hmm. they do. What's and local CDs, to you? Too. Hmm? What's local to you? Yeah, Hennepin. Oh, Southdale. Yeah, Hennepin County has lots of... Mm-hmm. Lots of... Southdale is pretty good. But, yeah, even I was surprised, even like my local Saint-Paul Public Library has quite a few choices. Mm. And they'll look for them, I know, if you don't have them in your local library. Yep. Well, let's stick with this Zazz. We haven't listened to all of the songs on here, but I would like to listen to a song that we haven't heard, J'ai deux amours. Isn't that the song that made Josephine Baker famous? J'ai deux amours? J'ai deux amours. Mon pays Paris et Paris. Mon pays. Mm-hmm. J'ai deux amours. I'd like to hear Zazz's rendition of that. So. Yeah, that's better than mine. Sorry. Here we go. On dit qu'au delà des mers, là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, elle s'en va tout. We just heard Zazz with J'ai deux amours. Et on va vous souhaiter une bonne semaine et une bonne année avec une chanson de Raphaël Lanadière, Mes lèvres. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci.